Dis Popeye. Ça va les amigos? Oui, super. Hey, je peux pas être avec vous en studio ce matin et franchement, j'adorerais vous dire que ça me brise le cœur et tout, que je suis dévasté, que votre odeur me manque et tout. Franchement, j'adorerais vous dire ça. Mais après, moi, je fais comment pour me regarder dans une glace? Comment ça fait plaisir de pas devoir me taper Paris. Franchement, en plus, c'est sûr que tout le monde va croire que c'est à cause du Covid. Du coup, je vais recevoir des tonnes de messages de soutien en mode « Tiens, Ernesto, voici la photo d'un de mes seins. Que dis-je? En voilà deux. Ça t'embête pas si c'est en sépia ?» Pas du tout. Pas du tout. Même en noir et blanc, même un polaroid, même une ancienne culotte où il n'y a plus d'étiquette. Qui suis-je, moi, pour juger? Tant que ça me remonte le moral. Bon, les amigos, pour la troisième semaine consécutive, j'ai un conseil culture. C'est pour ça que je viens pas à Radio France, en fait. Augustin Trapenard, il veut ma peau maintenant. Il sait que si je continue à faire des cultures, dans deux mois, je le dégage de Boomerang. C'est sûr. Dire que j'invite Pachi, la Starac et Georges Alain, coup sur coup. Qu'est-ce qu'il va faire? Bon, en vrai, c'est une bête histoire de Thalys, mon histoire. Mais bref, ce matin, je vais vous parler d'un livre, un livre que j'ai déjà lu trois fois dans ma vie. Quoi, Mein Kampf? Oui, on sait, t'as pas trop aimé le premier tiers. Non, pas du tout. J'ai juste dit que pour moi, la traduction française, tu perds un peu la poésie, quoi. C'est pas la même chose. Genre quand Daniel, il le récite par cœur, Mein Kampf, en allemand dans le bureau, il y a une émotion, tu vois, Morganella en larmes, il lui fait, ich liebe dich, mein grand barbu dégueulasse, et tout, c'est poignant, tu vois. Là, le livre dont je veux vous parler, c'est Sapiens, de Yuval Noah Harari. Ah ouais. Et je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, ah, Sapiens, en voilà un conseil des lectures qu'il a original. Tu trouves pas que c'est un peu trop underground? Sinon, il y avait la nouvelle édition du Botin aussi, hein. Non, ça va, je sais. Tout le monde l'a lu, mais ici c'est l'adaptation BD de Sapiens qui vient de sortir. Et d'habitude, c'est pas mon truc la BD, parce qu'à mon âge, si t'aimes la BD, c'est qu'en cachette, parfois tu te promènes un peu tout nu dans un imperméable. Non, je suis sérieux. Sur Tinder, si t'as une photo de toi avec un album Tintin et les Picaros, c'est sûr que t'es swipé à gauche. C'est sûr. La fille, elle se dit, lui, il a 43 ans, il vit chez sa grand-mère, il petit déjeune avec du Babybel. C'est certain. Bon. Donc je suis pas BD moi en général, mais ici c'est formidable parce que ça synthétise le bouquin, ça l'illustre et tout, ça le complète, c'est édité chez Albin Michel en plus. Imaginez, Albin Michel, apparemment c'est le cousin cultivé de Jackie et Michel. Genre toutes les deux planches, il y a un Néandertal qui ken avec un homo erectus et tout, mais genre en regardant ses chaussettes, tu vois, il y a le savoir vivre à la française. Et je sais que c'est pas avec ce genre de vanne que je vais prendre la place de Trapenard. Je sais. Le boomerang s'éloigne. Du coup, je vais revenir à Sapiens. Moi je l'ai lu en 2016 avant tout le monde en plus, je me rappelle, j'étais à Ibiza avec mes potes et tout. Je leur avais fait putain les gars, c'est ouf ce que je suis en train de lire. Harari, il a trop raison, l'argent c'est une vue de l'esprit, l'argent c'est une fiction. Mes potes, ils étaient là, ouais, c'est une fiction. En attendant, toi qui payes les margaritas, espèce de crevure. Hein. Mais j'étais comme un ouf de savoir pourquoi les bébés humains ils naissaient prématurés, comment le feu il avait impacté la taille de nos cerveaux. Franchement, je me sentais trop intelligent quand je l'ai lu et vous me connaissez. C'est pas que j'ai souvent l'occasion de me sentir intelligent. Franchement, dans cette émission, chaque fois que je prends la parole à l'improviste, Europe 1, il fait plus 4%, tu vois. L'autre jour, j'ai posé une question à Hubert Reeves. Limite, il s'est mis à regretter les questions de Nagui. Vraiment, c'est pour vous dire. Mais en 2016, j'avais vraiment l'impression de faire partie des privilégiés qui avaient eu la chance de tomber sur ce bouquin et tout. J'avais l'impression d'être un mec spécial. Entre temps, il y a 700 000 Français qui l'ont acheté. 700 000. Ça se demandait comment il y a autant de gens teubés dans ce pays, quoi. C'est paradoxal, quand même. Et je vais vous lire cette phrase. Tu convaincras jamais un chimpanzé de te donner sa banane en lui promettant qu'elle lui sera rendue au centuple au paradis des chimpanzés. C'est formidable, non? Oui. Allez, c'est tombé. Vous ne méritez pas mes conseils culture. La semaine prochaine, je vous parle du nouveau single de Pachi featuring Georges Alain. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, bonne émission. Bravo.